On va parler de baseball et je suis vraiment content d'accueillir les deux gars qui sont probablement les plus au courant du dossier du retour du baseball à Montréal. Vous écrivez, il y a une petite rivalité, j'ai dit ça, entre les deux. Qui va sortir la plus grosse nouvelle? D'abord, mon chum Frédéric Degg. Salut Fred! Bonjour Danny. Et Jérémy Filosa du 98.5. Salut Jérémy! Une petite rivalité amicale. Nos boss sont quand même contents quand ça passe sur le fil avant votre fil. mais sur le terrain, il n'y a pas trop de rivalité. Non, sur le terrain, il n'y a pas trop de rivalité. On va commencer avec Jérémy d'abord. Jérémy, j'espère que tu vas me rassurer un peu. Moi, là, depuis, Mark Griffin me rassure tout le temps, mais moi, en tout cas, je tombe un peu. Depuis que Valérie Plante a été élue, mon optimisme a baissé de 50% minimum. J'espère que tu vas au moins améliorer mon positivisme ce matin. Ben, écoute, c'est normal parce que on le sait, dans une ville, souvenons-nous quand les expos étaient partis à Washington, souvenez-vous comment le maire de Washington avait été vraiment une pièce maîtresse dans le déménagement des expos vers Washington. Quand tu as un maire qui est proactif, tu ne peux pas juste attendre pour voir ce qu'il y aurait pu possibilité d'eux, mais qui vraiment met les mains dans la pâte et lui-même s'implique positivement pour faire avancer le dossier. Que veux-tu? Ça ne peut pas faire autrement que d'avancer plus rapidement. Ceci dit, je vais prendre l'exemple de la Coupe du monde de soccer 2026. Je pense que Valérie Plante a été mise devant un genre de fait accompli, un dossier clé en main. Elle a embarqué dans le projet, donc je ne vois pas pourquoi, si c'était aussi bien planifié et organisé que, par exemple, le projet de la Coupe du monde, que Valérie Plante dirait, ben non, ça m'intéresse pas. C'est sûr qu'elle avait fait aussi grandir la ville. Ça, pour moi, c'est clair, là. OK. Frédéric, toi, là-dessus, comment tu réagis? Ben, écoute, dans ce dossier-là, moi, je pense que Mme Plante, de toute évidence, n'a pas toutes les données, puis qu'elle connaît mal ce dossier-là. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Tout d'abord, elle n'a pas rencontré le groupe d'investisseurs encore. Quand elle va le rencontrer, puis quand ça va être le temps, là, tu sais, quand Oakland et Tampa vont être réglés, puis que le baseball majeur approche Steven Brunson, puis ils disent, ben là, on est prêts, là, vous autres, êtes-vous prêts? Ils vont s'asseoir avec la mairesse Plante, ils vont lui présenter les chiffres, ce que ça coûterait à la ville, puis ce que ça va rapporter à la ville, puis là, je pense qu'elle va être en mesure de prendre une décision éclairée, puis ça va être très simple, là, ça va être payant. Ça va être payant pour la ville. Puis il y a une autre chose aussi, Danny, pour ton positivisme, là. Ouais. À Denver, là, entre le moment où ils ont accueilli des matchs préparatoires puis où les Rockies ont joué leur premier match, il s'est écoulé 9 ans. On n'est pas en retard sur cet échéancier-là non plus à Montréal. Oui, hey, Jérémy, là-dessus, moi, je reviens toujours à ce que tu disais l'an passé. Si vous voulez savoir ce qui se passe à Montréal, regardez du côté de Tampa Bay. Tu l'as dit souvent l'année passée. Or, il se passe pas, ça s'améliore un peu, mais il se passe pas grand-chose encore. À un moment donné, là, le commissaire va-tu tanner? Il me semble que maintenant... Ben, écoute, présentement, là, ils sont dans ce processus quand même. Les choses avancent tranquillement. Ouais. Avancent. Premièrement, ils ont déjà choisi leur site. Maintenant, choisir un site, ça veut dire que tu vas avoir un stade. Nous aussi, à Montréal, on avait choisi un site puis le stade n'a jamais été construit. Mais là, on a un plan d'affaires. Il y a un journaliste de la station de télé numéro 10, là, Channel 10 News, qui ont sorti les plans qu'on va proposer pour payer pour ce stade-là. Puis dans le fond, on voudrait ajouter une taxe de 3 $ sur... les reçus de location de chambre d'hôtel et aussi de location d'auto. Dans le fond, on veut faire payer aux touristes la facture pour le stade. Puis c'est bien correct comme ça. Moi, je pense que ça va finir par se régler parce que Sternberg se donne jusqu'à la fin de l'année 2018, l'année courante, pour trouver une solution à la construction du stade des Rays. Sans quoi, là, tu as raison, les choses vont bouger. Le commissaire va se tenir. Moi, je pense qu'on en est à la dernière option chez les Rays de Tampa Bay pour une construction de stade. Mais de la façon dont je vois ça avancer, je pense que ça va finir par aboutir. Puis à Oakland, même si le dossier du stade sur le terrain collégial a été refusé, maintenant que les Raiders, on le sait, ne sont plus dans le portrait, ça va devenir plus facile pour les A's de faire construire leur stade spécifiquement pour le baseball. Fred, moi, ce que j'ai hâte de voir, puis ça, je te l'ai demandé de te poser la question, en tout cas, je sais pas, là, c'est Steven Brofman, parce que ça avance pas vite. Puis quand ça avance pas vite, le prix de la concession monte tout le temps. J'ai hâte de voir en fin de semaine si dans 5 ans, ce sera plus 1 000 000 $, ça va être encore plus. Est-ce que tu penses que Steven Brofman va être patient aussi à ce niveau-là? J'ai hâte de voir. Moi, je pense que oui. Ouais. Ouais, moi, je pense que oui. Moi, de toute façon, l'année passée, M. Bronson nous a dit que 1,5 milliard US, ça ne l'effrayait pas. Il était prêt à mettre l'argent qu'il faut pour avoir une concession. Moi, je pense que dans 5 ans, à moins que Bell Media acquiert beaucoup d'autres propriétés pour TSN l'été, ils ont toujours besoin de contenu. Je suis pas inquiet. Moi, je pense que l'argent va être là. Je pense que si on craignait ce genre de fluctuation-là, là, écoute, les franchises ne doubleront pas là d'ici 5 ans. Là, je pense que on se serait déjà retiré du dossier. Moi, je pense vraiment que l'argent est là. Tout ce qu'on attend, c'est le signal du baseball majeur. C'est ce qu'on m'avait dit au mois de mars l'année passée. OK. Jérémy, si on parlait un peu maintenant des matchs pré-saison, il y a 60 000 personnes au stade en fin de semaine, ou lundi ou mardi. Je pense qu'on est rendu, quand même, il y a une date de périmètre à ces événements-là. Penses-tu que là, en 2019, on a annoncé que Londres serait là, il y aurait des matchs à Porto Rico? Tu as même annoncé, un moment donné, là, quelques temps, qu'il y avait une clause dans les matchs des Rays qui pouvaient disputer 10 matchs à l'extérieur de Tampa Bay. Penses-tu que l'an prochain, là, Montréal va avoir ces fameux matchs, au moins un match ou deux en saison régulière? Parce que je pense qu'on est rendu là, le monde, si on commence à être un peu tanné. Oui, bien là, il faut encore une fois regarder vers Tampa. Parce que John McHale m'a dit, il y a de cela un an, que justement, on avait déjà discuté avec Sternberg à Tampa de la possibilité de jouer des matchs à l'extérieur. D'ailleurs, tu viens de le mentionner, il a une clause qui lui permet de le faire. Maintenant, si jamais le dossier dont je vous ai parlé tout à l'heure tombe à l'eau, je pense que c'est à partir de là que Sternberg va commencer à vouloir mettre la pression sur la ville. Présentement, il veut pas vraiment échauder les partisans, et c'est normal, et je le comprends. Mais si vraiment ça tombe à l'eau, là, on va avoir une période exploratoire, d'après moi, pour Stuart Sternberg, le propriétaire des Rays. Et ça va être à Evenco de mettre énormément de pression. Moi, je me rendrai directement à Tampa. J'irais te rencontrer, je le ferais venir à Montréal quelques jours pour dire « Monsieur Sternberg, regardez-là, venez jouer des matchs ici, on va être partenaire avec vous, ça va être payant, vous allez faire de l'argent. Les Blue Jays pourraient être l'équipe visiteuse, donc gardez les Blue Jays dans le portrait avec des matchs à domicile des Rays de Tampa, et ça lui permettrait justement de mettre la pression sur Tampa, mais aussi, pour lui, de savourer et voir c'est quoi exactement Montréal. Donc, moi, je pense que c'est la prochaine étape pour l'an prochain. Si jamais les Rays... ça se règle et tout ça, il y aurait peut-être encore moyen, peut-être que les gens seraient motivés de revenir au stade pour d'autres matchs pré-saison, sachant que vraiment l'expansion s'en vient. Mais c'est sûr que là, cette histoire-là, cette aventure-là, commence à faire son temps. Ben oui, Fred... Vois-tu, moi, Danny, juste mettre un bémol là-dessus, vois-tu, moi, Jacques Aubé d'Evenco m'a dit que pour des matchs de saison régulière, pas qu'il a abandonné, mais il laisse le groupe de Bronfman prendre la place dans ce dossier-là, parce qu'il dit vraiment c'est au niveau du baseball majeur et de ces gens-là que ça se réglerait. Puis hier, Jacques Aubé nous a dit que tu sais, si jamais les Blue Jays, eux autres, pour une année, là, ils voulaient passer à autre chose, qu'ils étaient prêts à approcher deux autres équipes. Moi, je pense que pour l'instant, c'est davantage des matchs de Ligue des Pamplemousses qui sont destinés à Montréal. Puis comme Jérémy le disait, pas, ils n'iront pas s'aliéner une partie de la population, puis surtout des paliers de gouvernement en allant jouer des matchs de saison régulière ailleurs que dans la région de Saint-Pétersbourg, Tampa. Tu sais, là, à un moment donné, il y a une game politique là-dedans aussi. Tu veux pas te mettre ces gens-là à dos. Ben, messieurs, très intéressant. Jérémy, tu avais 10 minutes, fait que il est 9 minutes, donc on est rentré dans notre temps. Jérémy, un gros merci. On vous écoute en petite rivalité, parce que c'est le lecteur qui est le grand gagnant de ça, puis on espère avoir des bonnes histoires tout au long de la fin de semaine. Bon, ben, excellent. On va continuer de travailler là-dessus. Jérémy Filosa et Frédéric Daigle, les deux journalistes les plus... punchinggrace.com, effectivement, oui. Et tous les lundis, une émission en ligne, donc, avec Frédéric Daigle, Jérémy Filosa, également... le gars de Bell Media. Puis Tony Marinaro. Tony Marinaro, effectivement. Messieurs, très intéressant. On vous écoute tous les deux lundi sur punchinggrace.com. Salut. Merci beaucoup, Jérémy Filosa et Frédéric Daigle.